L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le Téléthon 2022, c'est les 2 et 3 décembre prochains. À nouveau cette année, de très nombreux événements sont et seront organisés partout en France et bien sûr en Meurthe-et-Moselle. Michel Adam, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2015 le coordinateur du Téléthon pour les départements. Dans quel esprit vous commencez cette nouvelle campagne ? On était impatients de repartir après une période difficile due au Covid, entre autres. Et on s'aperçoit que les communes recommencent à bouger, les associations aussi, et ça augmente tout doucement. Mais voilà. C'est pas encore l'effervescence. Il y a quand même pas mal de choses qui sont organisées, on va venir dessus. Et bien sûr, sur le rôle du Téléthon, mais un peu votre rôle en tant que coordinateur, ça veut dire quoi ? Alors, coordinateur au Téléthon, c'est la personne qui est chargée d'accréditer les animations. C'est pour éviter que les gens fassent n'importe quoi, n'importe où, et se revendiquent du Téléthon. On ne voudrait pas que des gens vendent des stylos, des porte-clés, des choses comme ça, et prétendent que c'est au nom du Téléthon. Donc, on tient à ce que chaque animation fasse l'objet d'un contrat. Voilà, le Téléthon, ça fait 35 ans que ça existe en France, je crois. C'est le 36e. Oui, c'est la 36e édition. 36e édition. On peut réexpliquer justement l'importance du Téléthon et les effets positifs et concrets qui arrivent aujourd'hui sur les traitements, notamment. Le Téléthon est né au moment où l'association AFM, qui avait été créée en 1958, a commencé à avoir des résultats, et qui dit résultats dit aussi besoin de moyens pour avancer. Donc en 87, le Téléthon a été mis en place, et pour vous dire, il prend tellement d'importance dans l'association. Elle s'appelait AFM avant et elle s'appelle AFM Téléthon maintenant. Le Téléthon, ça représente près de 80% du budget de l'association, et les animations de terrain représente 40% de ces 80%, donc c'est absolument énorme. L'année dernière, 85 millions environ récoltés. Tout à fait, et 750 000 euros en Meurthe-et-Moselle. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander justement. 750 000 euros, c'est quand même déjà aussi assez conséquent. Absolument. Et c'est grâce vraiment à l'investissement et l'implication des bénévoles sur le terrain. Une centaine d'événements sont organisés cette année, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Pour le moment, on a une centaine d'événements qui sont programmés tout au long de la période Téléthon, parce qu'on parle toujours du 2 et 3 décembre. C'est effectivement le week-end phare, c'est l'émission télévisée, mais on peut organiser des animations de septembre à fin janvier. Vous avez une page Facebook, coordination.téléthon54, où on va retrouver bien sûr régulièrement tous les événements annoncés. On peut y voir une bourse jouée à l'Est-Saint-Christophe, une soirée tennis fluo à Pagny, des concerts aussi, notamment celui de l'Orchestre Philharmonique Universitaire de Lorraine le 2 décembre. Il y aura deux journées de sport à Toul, et la liste, elle est bien sûr très longue. Tout à fait. On a aussi un concert à la MJC, Beauregard, qui nous a rejoint cette année. Et à propos de concert, je peux dire qu'effectivement, on a toutes sortes de musique aussi. On en a pour tous les goûts. On a du blues, on a du rock, on a du country, on a du folk. On va avoir du rap. Donc vous trouverez vraiment tout ce que vous aimez sur une des animations. Et ce qui est intéressant aussi dans l'organisation de ces événements, c'est l'implication que peuvent apporter les jeunes, notamment dans les écoles, notamment dans les conseils municipaux juniors qui se développent de plus en plus. Ça, c'est assez important pour vous aujourd'hui ? Absolument, parce que les jeunes ne demandent qu'à être solidaires. Encore faut-il leur expliquer à quoi ça sert et leur dire que ce n'est pas aussi compliqué que certains veulent leur expliquer aussi. Donc on a par exemple le conseil municipal des jeunes de Richard Ménil qui s'est beaucoup impliqué. Richard Ménil étant une des communes les plus impliquées du département. Eux, ils en sont à leur 27e Téléthon consécutif. On a aussi les jeunes des jeunes ados, par exemple à l'Est-Saint-Christophe, c'est eux qui sont à la manœuvre pour la bourse jouée. Et il y a aussi des écoles qui organisent des courses du muscle où les jeunes courent et puis sont parrainés par leurs parents, leurs aînés, etc. Et ce qui est important, c'est que c'est eux qui participent, c'est eux qui donnent, ou pas directement de leur tirelire, mais ils se donnent pour donner. Donc ça, c'est extrêmement important. Et en tant que coordinateur, je pense que ça booste aussi de voir cette implication. Vous allez à leur rencontre aussi, vous les rencontrez directement ? Absolument. D'ailleurs, vendredi 25, par exemple, je serai à l'école de Médière pour leur expliquer à quoi ça sert. La semaine dernière, j'étais auprès de grands jeunes, on va dire, les compagnons du devoir à Jarville, par exemple, aussi, pour leur expliquer pourquoi ils s'engagent et pour leur montrer que la recherche avance. Le Téléthon, on finance beaucoup de choses. Et actuellement, par exemple, il y a 41 essais thérapeutiques sur une trentaine de maladies qui sont en cours. Il y a 200 programmes qui sont financés à travers le monde. Il y a 1000 chercheurs qui sont aidés. Donc ça, c'est quelque chose de positif, de quotidien. On a aussi une mission qui s'appelle la mission Aider, Et ce sont des salariés qui sont aux côtés des familles touchées par la maladie pour les aider à avancer. Alors, ce n'est pas une aide médicale, c'est une aide sociale, on va dire. Et on leur explique où il faut aller, etc., comment financer un fauteuil. Un fauteuil électrique, ça coûte extrêmement cher. Mmh. Ça ne rentre pas dans la voiture qu'on avait avant. Donc, quand on achète le fauteuil, il faut changer de voiture, il faut élargir les portes, etc. Cette année, il y a 3 familles, je crois, ambassadrices qui vont être mises en avant. Voilà. Et avec des exemples concrets aussi de réussite. Et vous pouvez peut-être nous en parler un peu. Voilà, tout à fait. Vous aurez 3 familles. Donc, vous aurez la petite Lucie qui a 2 ans et qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale de type 1. C'est une maladie qui était mortelle avant 24 mois. Donc, grâce aux recherches du Téléthon et du laboratoire du Généthon, on a développé un traitement génétique, et ce qui fait qu'avec une injection, ces patients sont guéris. On a aussi Benjamin qui est un peu plus âgé, qui a 10 ans, et qui est atteint de myopathie du chêne, la maladie emblématique du Téléthon. C'est elle qui a été à l'origine de la création de l'association. Et là, on a un essai thérapeutique qui a débuté en juin de cette année. Et on a aussi en troisième famille la petite Lou, qui a 12 ans et qui est atteinte d'une maladie pour laquelle on recherche en ce moment des choses. Et il y a urgence puisque, par exemple, elle a déjà perdu son frère qui était âgé 2 ans moins qu'elle et qui est malheureusement décédé. C'est pour montrer qu'on ne lâche rien. On ne lâche rien. La recherche, elle avance pour eux, mais elle avance aussi pour d'autres maladies qui peuvent être aussi concernées par ces recherches. Voilà, absolument. C'est extrêmement important. D'abord, on parle toujours de maladies rares, mais c'est parce qu'une maladie rare, c'est une personne qui touche moins de 3000 personnes. Mais déjà, il y en a 6000 des maladies. Et globalement, ça touche 3 millions de Français, par exemple. Donc, ce n'est pas si rare que ça. Et les recherches qu'on fait pour des maladies dites rares sont souvent appliquées dans des maladies beaucoup plus fréquentes. Par exemple, un traitement de la progéria qui concerne quelques personnes en Europe est applicable pour la chimiothérapie en France. Une thérapie qu'on a trouvée pour la rétinite pigmentaire, qui est une maladie qui touche 300 personnes en France, elle sera applicable à la DMLA, qui touche, elle, 3,5 millions de personnes. Vous voyez. Donc, on touche vraiment large. On a créé de la peau pour une maladie rare et ça sert au grand brûlé. Donc, voilà. On est tous concernés. On est absolument tous concernés et tout le monde ne doit rien lâcher. Le Téléthon, c'est les 2 et 3 décembre. Beaucoup d'événements. Comment on peut retrouver un peu la liste? On vous suit notamment sur Facebook, peut-être? Voilà, tout à fait. On peut nous suivre sur Facebook, la page Téléthon Meurthe et Moselle. On peut nous suivre sur Twitter et on peut contacter, bien sûr, la coordination. La coordination, c'est téléthon54@afm-téléthon.fr ou le téléphone 03 83 56 99 34. Et si on veut aider le coordinateur dans sa mission de... Si on veut aider le coordinateur, c'est les mêmes adresses, c'est le téléphone ou le mail, et on vous attend et on sera très heureux de vous accueillir. Voilà, je vous laisse le dernier mot. Le dernier mot, c'est le Téléthon. Ça sert à tout le monde. Le Téléthon, c'est une grande fête et on ne demande qu'à vous aider si vous voulez vous aussi aider les malades, les familles des malades, et si vous voulez vous aider, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en réalité, nous sommes tous concernés. Merci à Michel Adam, coordinateur du Téléthon en Meurthe-et-Moselle. De nombreux événements festifs vous attendent près de chez vous au profit de la recherche. Le site internet pour plus d'informations, www.afm-téléthon.fr. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.